Un monde d'info, direction le Canada aujourd'hui. Le Canada, vous le savez, qui accueille dans quelques semaines les Jeux Olympiques de Vancouver. Une occasion pour les Autochtones de faire entendre leurs revendications, de mettre aussi en avant la culture amérindienne. Il y aura beaucoup de célébrations qui seront organisées au mois de février, mais beaucoup d'entre eux dénoncent une mise en scène qui cache une réalité qui est beaucoup moins reluisante, Damien Bertrand. Oui, en effet. Alors, pour vous donner un exemple, la Colombie-Britannique, la province canadienne qui accueille les JO, vient d'accorder le mois dernier le droit de propriété à des Amérindiens du nord-ouest du pays. Et c'est une grande première dans l'histoire canadienne. Partout dans le reste du pays, les Autochtones n'ont toujours pas le droit d'être propriétaires des terrains sur lesquels ils habitent. Alors, autre exemple qui reflète la situation des Amérindiens, la précarité. Il faut savoir que la majorité des Autochtones vivent sous le seuil de pauvreté. Et selon le dernier rapport du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, le Canada arrive au quatrième rang mondial en termes de qualité de vie. En revanche, les Premières Nations canadiennes arrivent difficilement à la 60e place au niveau de pays en voie de développement. Alors le taux de chômage des Autochtones est 2 à 3 fois supérieur à la moyenne nationale. Formation, espérance de vie, pouvoir d'achat, santé. La réalité canadienne est très différente pour les Autochtones que pour le reste de la population canadienne. Alors l'ONU a condamné le Canada à plusieurs reprises pour le traitement réservé aux Autochtones. Condamnations qui sont bien souvent restées lettres mortes puisque le Canada refuse toujours de signer la déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones. Alors Damien, on peut dire que les Autochtones sont les grands oubliés au Canada ? Oui, tout à fait. Malgré le fait qu'ils représentent 3% de la population canadienne et 5% d'ici une dizaine d'années, les Premières Nations qui étaient au Canada avant l'arrivée des premiers colons européens sont complètement oubliés par les pouvoirs publics. Et on peut même dire qu'ils sont invisibles aux yeux de la population. Les Amérindiens dénoncent régulièrement les discriminations dont ils font l'objet dans l'emploi, dans l'accès au logement ou de la part des services policiers. Je vous propose d'écouter à ce sujet le témoignage d'Icar Beljar, qui est membre de la communauté Mohawk à Montréal. La police n'a pas le droit de regarder la couleur de peau des citoyens et de dire « vous pouvez obtenir justice, mais vous, non ». Et pourtant, c'est ce qu'ils font dans ce pays. C'est ce qu'ils ont dit aux parents de Maisie Ojik. Maisie et Shannon Alexander sont deux Autochtones qui sont portés disparus depuis le 6 septembre 2008. Personne n'en a parlé au moment de leurs enlèvements. Mais lorsque Victoria Stafford disparaît dans la province de l'Ontario, plusieurs centaines de bénévoles se mobilisent. Tous les médias en parlent et les corps policiers sont mobilisés pour retrouver la jeune Canadienne. Qu'est-ce que c'est que cette justice ? Le problème, c'est qu'il existe un racisme systémique qui est exprimé par les médias, la justice, le gouvernement. Et il faut que ça s'arrête. Alors, il faut savoir que les enlèvements ne sont pas un problème nouveau pour les Amérindiens. Plus de 500 femmes autochtones ont disparu au Canada au cours des 3 dernières décennies, dans la différence la plus totale des médias et de la police. Alors, les relations entre les Premières Nations et les pouvoirs publics sont particulièrement tendues, surtout avec le gouvernement actuel, un gouvernement conservateur de droite, accusé d'envenimer les relations avec les Autochtones. Alors, au moment du G20 de Pittsburgh, au mois de septembre, par exemple, le Premier ministre canadien Stephen Harper déclarait que le Canada pouvait se vanter de ne pas avoir de passé colonial. Les réactions des communautés autochtones ne se sont pas faites attendre. Je vous laisse écouter plutôt celle de Kenneth Dare, qui est journaliste et représentant de la communauté Mohawk. Lorsque le Premier ministre Stephen Harper déclare devant les médias étrangers que le Canada n'a pas d'histoire coloniale, c'est complètement ridicule. Le Canada a colonisé les Autochtones et cela continue toujours à l'heure actuelle. Les relations tendues entre les Amérindiens et le Canada à l'approche des Jeux Olympiques. Merci, c'était Damien Bertrand en direct de Montréal. On a une meilleure idée de ce qui se passe grâce à vous. Merci Damien.